Épisode 5. Mercredi, c'est interrogatoire. Bien, nous allons commencer, monsieur Bernardini. Ok, monsieur Bernardini. Donc, tout d'abord, je vous... Dites, ça vous embêterait d'enlever cette passoire de votre tête quand je vous parle? C'est très gênant. Je ne préfère pas. Vous ne préférez pas? Monsieur, vous m'avez convoqué en tant que pastafarien. Je viens en tant que pastafarien. Ma croyance demande le port de l'écumoire dans toute situation qui ne s'y prête pas. Mais votre croyance est une blague. Parfaitement. Et une blague que je prends très au sérieux, monsieur. Ok, ça va être une longue journée. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Moi aussi, j'ai une question pour vous. Pourquoi le chameau a deux bosses alors que le panda ne mange que du bambou? Quoi? Ah, vous voyez que c'est pas toujours simple de répondre aux questions. Lundi soir, entre 20h et minuit. 20h du soir, on est d'accord? Hein? Mais bien sûr, 20h du soir. Sinon, j'aurais dit 8h. 8h du matin? Ouais, voilà. Mais de quel matin? De lundi soir. Ah! Alors, vous voulez savoir ce que je faisais lundi soir au matin? Oui. Non, non, pas lundi soir au matin, lundi soir tout court. Entre 20h du soir et minuit, quoi. Ah, oui, je vois. Mais quand vous dites lundi... Oh, putain. Oh oui, c'est génial. J'ai vu ça, le graphe qui établit un parallèle entre la disparition des pirates et le réchauffement climatique. Et notre paradis, vous le connaissez, notre paradis? Je crois que j'ai vu un truc là-dessus. Il n'y a pas une histoire de volcan à bière? Un peu, mon neveu. Et des usines à stripteaseuses. Ou stripteaseurs, selon les préférences. Et le ramen dans ça, j'adore. Les 4 jours à ne manger que du ramen en hommage aux étudiants fauchés, je dis ramen. On peut dire ramen dans votre truc. Oui. On dit bien ce qu'on veut, mais en l'occurrence, on dit plutôt ramen. Ah oui, évidemment. Et dites-moi, comment on fait pour devenir pastafarien? Vous voulez devenir pastafarien? Je suis bien tenté, oui. Oh bah, c'est à peu près tout ce qu'il faut. Le principe central, c'est que le monstre spaghetti volant se fout que tu le vénères. Ou que tu portes sa parole. Ou que tu suives ses rites. Du moment que tu laisses les gens tranquilles... Tu fais ce que tu veux. Ramen. Ramen. Karim, tu... Qu'est-ce que vous faites encore là, vous? Il prêche la bonne parole. Ramen. Je vais prendre une petite pause, moi. Ok, puisque vous tenez tant à le savoir, je vais tout vous dire. Venez, approchez-vous. Le secret, c'est la cannelle. La cannelle? Une pincée de cannelle avant de servir la sauce. Et hop, le tour est joué. Ah non. Quoi? Ah non, non, non, non. Ah non. Mais quoi? Il est hors de question que j'interroge qui que ce soit qui porte un tricorne dehors. Oh, est-ce que vous pouvez être rabat-joie, vous les flics? Stop. Stop. Qu'est-ce que c'est que ça? Une prière à sa grandeur nouillesque, monsieur. Ouais, ben vous allez cesser ça tout de suite, ou je vous arrête pour outrage. Outrage? Oh, désespoir! Oh, vieillesse ennemie! Assez, assez, ça suffit, les singeries! Oh, mais vous savez ce qu'on dit? C'est parce que le poulet pleure que le singe rit. J'en peux plus. Enchanté, Jean. Moi, c'est Dédé. Des désespoirs. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Mais vous n'êtes accusé de rien. Quoi? Moi accusé de rien? C'est un scandale! Je réclame mon droit à l'accusation. Je ne parlerai qu'en présence de mon procureur. Alors, laissez-moi deviner. Lundi soir, vous étiez en train d'interroger les fondamentaux de l'existence en dégustant des coquillettes à peine al dente et en contemplant le portrait géant du monstre spaghetti volant que vous avez créé vous-même en utilisant exclusivement des coquilles d'œufs durs. Voilà. Je pense que je nous ai fait gagner du temps à tous les deux. Maintenant, si vous pouviez enlever la passoire sur votre tête avant que je me retourne... J'ai pas pensé à apporter ma passoire ce matin, Radzoni. J'espère que vous saurez passer l'éponge. Mais... qu'est-ce que vous faites ici ? Je pensais qu'un inspecteur aussi zélé que vous aurait su découvrir en 7 ans que c'était moi, la patronne de ce commissariat, donc qu'il était courant de m'y croiser. Notamment lorsqu'on s'acharne à travailler sur une affaire qu'on vous a retirée, Razzoni. En quelle langue peut-il vous le dire ? Vous pouvez essayer le pastafarien. C'est un mélange d'absurdien et de courtoujourien. Bon, Razzoni, j'ai été patiente avec vous, parce que je veux bien comprendre que vous soyez en colère après ce qui vous est arrivé. Mais maintenant, stop ! J'ai mis Tessier et Flantier sur votre dossier. Ils trouveront qui a fait ça. Tessier ? Vous n'avez pas trouvé pire ? Tessier est juste bon à se menotter tout seul au radiateur pour montrer aux suspects ses talents de magicien. D'une, c'est arrivé qu'une fois. De deux, il ne sera pas tout seul sur cette affaire. De trois, c'est moi qui décide et il serait temps que vous le compreniez. J'ai renvoyé tous ces soi-disant témoins que vous avez convoqués et maintenant, vous allez rentrer chez vous. Vous en avez assez fait pour aujourd'hui. Ok. Ok. De toute façon, pour ce que j'en aurais tiré de ces interrogatoires... Ah, et si vous aviez encore des craintes pour de la palisse, sachez que les traces de poudre trouvées dans la cache ont été analysées. C'est de la poudre qui sert pour les feux d'artifice. Il semble donc que le plus grand risque que court le député soit un son et lumière surprise. Compris ? Oui, madame. Allez, bonsoir, Razzoni. Qu'est-ce que c'était que ce discours d'accueil que vous m'avez fait ? Je vous connaissais pas une telle imagination. Imagination ? Mais j'ai rien inventé, chef. Je vous ai juste fait un best-of de mes interrogatoires d'aujourd'hui. Vraiment ? Vraiment. Oh, allez donc vous reposer un peu, Razzoni. Ouais. Karim ? Ouais ? Qu'est-ce que tu foutais dans le placard ? Ouais. T'as eu peur qu'elle te voie ? Non. C'est pas ça, c'est juste que, bon, voilà, on n'avait pas le droit de faire ça, et puis, tu la connais, elle, et... oui, elle me fout les jetons. On va boire un coup ? Ouais. Ok. Si tu veux, ouais. Je vais chercher mes affaires, je te retrouve dehors. Ok. C'est bien ici le commissariat ? Eh ben j'espère, sinon je peux vous dire que j'ai vraiment perdu ma journée. Vous vous trouvez drôle ? Très. Je peux vous aider peut-être ? Oui, en vous écartant de ma route, j'aimerais rentrer. Mais bien sûr ! Comment dire non à tant d'amabilité ? Bon, vous commencez à m'emmerder là. Je suis ici pour des choses sérieuses, j'ai pas le temps pour vos pitreries. Mes pitreries ? Ma petite dame, vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'est la pitrerie. Je viens de traverser l'enfer monstrueux de la pitrerie et je n'en suis sorti vivant que par la grâce de ma bien-aimée chef qui est à la pitrerie ce que vous semblez être à la joie de vivre. C'est-à-dire ? Un remède. Maintenant, madame, si vous voulez bien vous donner la peine, je suis sûr que vous trouverez tous les gens sérieux qu'il vous faudra à l'intérieur. Et bonne soirée ! Mufle ! Ok, c'est officiel, je donnerai tout ce que je possède pour n'avoir ne serait-ce qu'une seule conversation normale aujourd'hui. Mathéo ? J'ai appris plein de nouvelles choses sur le pastafarisme. C'est un truc de dingue. Tu vas adorer. Parfois, j'aimerais vraiment croire en Dieu. Juste pour avoir quelqu'un à maudire.